nous avons eu l'occasion de nous pencher sur la lettre que l'apôtre Jean adresse de la part du Seigneur à l'église de Pergame. Nous avons vu ensemble que dans cette ville d'idolâtrie et de corruption, l'église chrétienne avait fini par céder aux pressions de l'adversaire. Elle avait adopté la politique des compromis et un affreux mélange s'était installé dans son sein. On y adorait simultanément le Seigneur et les dieux païens. Vous vous souvenez aussi que pour dépeindre cette situation tragique, le Seigneur avait recouru à l'exemple de l'idolâtrie d'Israël dans les plaines de Moab, lorsque, sous l'instigation de Balaam, les filles de Madian avaient corrompu les fils d'Israël pour les obliger à s'agenouiller devant leurs idoles. Si vous voulez davantage de détails sur cette triste expérience, lisez le chapitre 25 du livre des Nombres. Le Seigneur a toujours désapprouvé le mélange. Il condamne avec sévérité tous ceux qui louvoient avec le monde et le péché et qui adoptent la politique des compromis. C'est pourquoi il se présente en juge à l'église de Pergame. Relisons ensemble les versets 12 à 16 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Avez-vous remarqué sous quel trait le Seigneur se présente? Verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. Et verset 16. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est l'épée du juge qui ne peut tolérer le mélange et l'idolâtrie. Or, cette épée du juge fait appel à une nouvelle comparaison avec l'histoire de l'Ancien Testament que le Seigneur a choisi comme thème central de cette lettre à l'église de Pergame. L'expérience d'Israël dans les plaines de Moab n'évoquait pas seulement le mélange et l'idolâtrie, mais aussi l'intervention courageuse du sacrificateur Finé, qui s'est servi de son épée pour combattre le mal. Je ne rappellerai pas les circonstances qui ont poussé le roi de Moab à organiser une fête religieuse, mais alors que cette fête battait son plein et que les filles de Moab avaient invité les fils d'Israël à leur danse et à leurs actes d'idolâtrie, un prince d'Israël emmena une princesse de Madian dans sa tente. Face à ce défi public aux ordonnances de Dieu, Finé, le petit-fils du souverain sacrificateur Aaron, a pris son épée et en a frappé les deux coupables. Il montrait ainsi à tout le peuple qu'on ne pratique pas le péché impunément et surtout qu'on ne se moque pas de Dieu. Or, l'acte courageux du sacrificateur Finé a été approuvé du Seigneur. Et grâce à cet acte, la plaie par laquelle Dieu était en train de décimer le peuple a été arrêtée. Des siècles plus tard, le psalmiste rappelle les fêtes en ces termes. Ils s'attachèrent à Baal Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Finé se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Psaume 106, 28 à 31. Dans le chapitre 25 du livre des Nombres, Moïse reçut de l'Éternel le message suivant au sujet du sacrificateur Finé. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Nombre 25, 12 à 13. ce récit de l'Ancien Testament nous apporte un enseignement précieux destiné à toute l'Église du Seigneur. Devant l'immoralité et l'idolâtrie, le sacrificateur Phinée a manié l'épée. Devant le mélange et devant le désordre, l'épée doit donc intervenir. Pour nous, il ne s'agit pas d'une épée matérielle, mais de l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 17. Et dans l'épître aux Hébreux, nous lisons « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4, 12. Il appartient au sacrificateur de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire aux chrétiens dignes de ce nom, de manier l'épée spirituelle de la parole de Dieu. Et comment pouvons-nous manier cette épée spirituelle? Pas seulement en proclamant son message à ceux qui ne le connaissent pas, mais avant tout en mettant en pratique cette parole et en prenant position aux côtés de Jésus-Christ, qui est l'inspirateur de cette parole. Mais il y a plus. Si autrefois le sacrificateur Phinée a su manier l'épée au bon moment pour rétablir l'ordre moral en Israël, c'est parce qu'il recevait les directives de son service dans le tabernacle. C'est là qu'il mangeait la nourriture réservée aux sacrificateurs, une nourriture spécialement préparée pour les serviteurs de Dieu, une nourriture différente de celle que mangeait le peuple et qui échappait de ce fait au regard du peuple. Aujourd'hui encore, le Seigneur réserve à tous ceux qui veulent suivre ses ordres une nourriture spirituelle que nous découvrons dans sa présence sainte. N'est-ce pas à cette nourriture que le Seigneur fait allusion dans la lettre à l'église de Pergame, dans sa promesse au vainqueur? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Apocalypse 2, 17. L'écriture sainte est une véritable manne cachée, que le monde ignore ou méprise. Cependant, par elle, les croyants grandissent dans la foi et se fortifient en Christ. Mangeons-nous régulièrement la manne cachée que Dieu nous réserve dans sa présence? En d'autres termes, lisons-nous, méditons-nous chaque jour l'Écriture sainte? Comment serons-nous utiles au service du Seigneur dans le monde si nous ne prenons pas d'abord la peine de nous pénétrer de son enseignement? Et comment aurons-nous la force de combattre pour sa cause si nous négligeons la manne cachée capable de nourrir notre foi? Reprenons la lettre à l'église de Pergame. Le Seigneur promet encore autre chose au vainqueur. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Apocalypse 2, 17. Autrefois, lors d'un jugement, les cailloux noirs symbolisaient la condamnation et les cailloux blancs l'acquittement. En promettant au vainqueur de Pergame un caillou blanc, le Seigneur les déclarait publiquement justes, rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième interprétation. Les cailloux blancs étaient également utilisés à l'époque par le maître de cérémonie lors d'un banquet pour inscrire le nom des invités. Image de la place soigneusement réservée par Jésus-Christ à ses serviteurs conviés aux noces de l'agneau, c'est-à-dire à la réunion de Christ avec son Église. Enfin, troisième utilisation du caillou blanc et nouvelle illustration propre à inspirer notre attitude aujourd'hui, dans l'Antiquité, le caillou blanc correspondait à un bulletin de vote. À titre d'exemple, lorsque l'apôtre Paul rappelle le martyr d'Étienne qu'il avait approuvé avant sa conversion, il a précisé qu'il avait joint son suffrage, littéralement son caillou blanc, à celui des autres. Actes 26, 10. En notre époque de compromis et de mélange, voulons-nous joindre notre suffrage à celui des autres? Ou bien, à l'encontre de la majorité, voulons-nous prendre position, voter résolument et sans hésiter pour Jésus-Christ? En terminant cette courte étude Je rappelle une fois encore l'exemple du sacrificateur finé. À la fin du XXe siècle, Jésus-Christ cherche encore des finés, c'est-à-dire des disciples qui, animés de son zèle, se lèveront pour manier l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ou bien, c'est le mélange, le compromis, l'infidélité, l'iniquité. Ou bien alors, c'est l'épée maniée par le sacrificateur nourrie de manne cachée avec le caillou blanc promis au vainqueur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 17. Chers auditeurs, voulez-vous écouter ce que l'Esprit dit aux églises? Voulez-vous choisir comme les vainqueurs de Pergame ont choisi? Pour vous aussi, c'est l'alternative. Le chemin large ou le chemin étroit? Les compromis ou la vérité? L'infidélité ou l'obéissance? Ne croyez pas que de nos jours, il ne soit plus possible de suivre le Seigneur sur le chemin étroit. Certes, notre adversaire, le diable, exerce avec ténacité ses pressions sur nous. Les raisons de pactiser avec le mal sont multiples et les tentations toujours plus subtiles. Mais, comme il y avait des vainqueurs à Pergame au premier siècle, il y en a dans l'Église de Jésus-Christ au XXe siècle, et il y en aura toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Cependant, ne soyons pas surpris de devoir payer de notre personne notre attachement au Seigneur, comme l'ont fait les courageux témoins d'autrefois. Soyons prêts à suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Jeune homme, jeune fille, chrétien d'âge mûr, et même vétéran de la foi, décidez-vous une fois pour toutes pour votre Seigneur, et vous ne le regretterez jamais.